Chapitre 14e. Le printemps en Amérique. Controverse entre Messieurs Owen et Campbell. Bal public. Séparation des sexes. Liberté américaine. Exécution. Le printemps en Amérique n'est pas à beaucoup près aussi agréable que l'automne. Tous les deux avancent avec des progrès indécis et lents. Dans un de ces cas, vous allez quitter un ami qui est devenu plus doux et plus agréable à mesure que vous le connaissez, et il ne peut vous abandonner assez tard. Dans l'autre, il semble que vous échappiez d'une sombre caverne, où vous avez été retenu par la neige et les tempêtes, et où votre seule consolation a été de vous enfumer. Mais en y réfléchissant davantage, je crois qu'il serait plus juste, au lieu de se plaindre de la lenteur du printemps, de convenir qu'il n'existe pas de printemps du tout en Amérique. L'automne se prolonge jusqu'à Noël, puis l'hiver arrive, il dure encore pendant tous les mois que nous appelons printemps, puis il tourne brusquement le dos et l'été prend sa place. Je ne me hasarderai pas à préciser le temps où ce changement a lieu, vu les inconcevables caprices du climat. Car il est certain que, de quelque manière que je m'arrangeasse, il serait facile à ceux qui tiennent registre des variations de l'atmosphère de me prouver que j'ai tort, en citant que le thermomètre indiquait les degrés de chaleur au moment où je parlais d'hiver, et était à 12 degrés au-dessous de zéro longtemps après que j'avais dit que l'été avait commencé. On trouve le climat d'Angleterre incertain, mais je ne pense pas que ceux qui connaissent celui d'Amérique par expérience lui adressent jamais ce reproche. Un monsieur, sur la véracité duquel on peut compter, me disait que souvent il avait vu le thermomètre varier de 25 degrés en 12 heures. Ce caprice de la température est une des causes qui rend le climat si malsain. Enfin, après avoir grelotté pendant une bonne partie de l'année et nous être à demi ruinés en bois, article de ménage qui, pour le dire en passant, est presque aussi cher qu'à Paris, et plus cher dans quelques parties de l'Union, l'été se montra tout à coup dans toute sa splendeur et nous eûmes de nouveau recours à la glacière, à la piazza et aux jalousies. Ce fut dans l'été précoce de cette année, 1829, que Cincinnati offrit un spectacle qui n'avait pas encore eu lieu, je crois, dans aucun siècle ni dans aucun pays. Monsieur Wayne de Lanark, de New Harmony du Texas, bien connu en Europe sous chacun de ses titres, avait défié toutes les personnes pieuses des États-Unis de discuter avec lui publiquement la vérité ou la fausseté de toutes les religions qui n'avaient jamais été propagées sur la surface de la terre. Ajoutant de plus qu'il se chargeait de prouver qu'elles étaient toutes également fausses et presque également dangereuses. Ce terrible cartel fut lancé dans le monde par l'intermédiaire des journaux de la Nouvelle-Orléans et pendant longtemps on n'y répondit pas. Enfin, le révérend Alexandre Campbell de Bethany, non pas en Judée mais dans le Kentucky, proclama, par le même intermédiaire, qu'il était prêt à ramasser le gant. On choisit Cincinnati pour le théâtre d'une discussion aussi extraordinaire et on la fixa au second lundi de mai 1829, un an environ après que le défi fut accepté. Il fallait bien donner aux antagonistes le temps de se préparer. Les préparatifs de M. Owen, néanmoins, ne purent se faire qu'en courant, car pendant cet intervalle, il parcourut une grande partie de l'Amérique, traversa deux fois l'Atlantique, visita l'Angleterre, l'Écosse, le Mexique, le Texas, et je ne sais combien d'autres pays. On assure que M. Campbell passa son temps d'une toute autre manière, lisant et faisant avec une grande persévérance des recherches dans tous les ouvrages de théologie qu'il pouvait se procurer. Mais quelle que fût la confiance que le savoir et la piété de M. Campbell inspiraient à ses amis, et en général à tous les chrétiens de Cincinnati, ce ne fut pas encore assez, à ce qu'il paraît, pour engager M. Wilson, le ministre presbytérien de la plus belle église de la ville, à permettre à M. Campbell d'y déployer ses talents. Ce refus fut fortement blâmé, car la curiosité était grande et aucun autre édifice ne présentait la même commodité. On choisit enfin une chapelle méthodiste assez grande pour contenir 1000 personnes. On arrangea une espèce de petit théâtre autour de la chaire pour les deux adversaires et leur sténographe. La chaire elle-même fut pendant tout le temps occupée par le père de M. Campbell, dont les cheveux blancs, l'air vénérable et le visage profondément attentif et ému le rendaient un des personnages les plus frappants du groupe. on avait élevé une seconde plateforme dans une autre partie de la chapelle où étaient assis sept messieurs de la ville choisis comme juges. La chapelle était divisée en deux parties égales, l'une pour les dames, l'autre pour les hommes. La porte destinée à l'entrée des dames était soigneusement gardée par des personnes chargées de faciliter leur approche et d'empêcher la foule. Je suppose que les dames devaient à M. Owen cette attention, car ces arrangements n'étaient pas du tout américains. Lorsque M. Owen se leva, la chapelle était composée des citoyens les plus distingués de la ville. On écouta la péroraison de M. Owen dans le plus grand silence et avec la plus profonde attention, et certainement jamais chrétien et chrétienne ne s'étaient rassemblés pour entendre de semblables choses. Lorsque je me rappelle l'assurance avec laquelle l'orateur parla de sa conviction immuable que toute l'histoire du christianisme était un mensonge et son origine sacrée une fable, je ne puis trop m'étonner qu'on l'ait écouté avec calme. Cependant, à cette époque, je ne fus pas surprise, car personne ne pratiqua jamais le suaviter in modo avec de plus puissants effets que M. Owen. La douceur de sa voix, son ton quelquefois plaisant mais jamais ironique, l'absence de toute expression peu noble, le profond intérêt qu'il semblait éprouver pour toute la grande famille humaine, l'air de candeur avec lequel il demandait à être convaincu s'il avait tort, son aimable sourire, l'expression suave de ses yeux, enfin toutes ces manières désarmèrent les scrupuleux et produisirent un degré de tolérance que les personnes qui ne l'ont point entendu croiront à peine possible. On avait accordé une demi-heure à chaque orateur. Lorsque cet espace de temps fut écoulé, les juges regardèrent leur montre, M. Owen regarda aussi à la sienne, sans s'arrêter, sourit, secoua la tête, puis il dit entre deux parenthèses « Un moment de patience. » Alors il continua pendant presque une autre demi-heure. Alors M. Campbell se leva. Sa personne, sa voix, ses manières, tout parlait en sa faveur. Dans sa première attaque, il usa des armes qu'on croit en général appartenir à l'autre côté de la question. Il pressa M. Owen sans nulle pitié, l'accabla ici pour ses parallélogrammes, là pour sa perfectibilité humaine, et tint toute l'audience dans un rire continuel. M. Owen se joignit gaiement à l'assemblée et écouta son adversaire avec l'air d'un homme qui est enchanté des choses spirituelles qu'il entend et prête l'oreille pour en entendre davantage. La montre de M. Campbell fut la seule qui nous rappela que nous l'avions écouté pendant une demi-heure, et ayant continué à parler quelques minutes après l'avoir regardé, il s'assit et dut avoir la conviction qu'il avait excité l'admiration de son auditoire. M. Owen se leva de nouveau et complimenta d'abord M. Campbell avec toute la force que ses éclats de rire lui avaient laissée. Alors il changea de ton, dit que la matière était trop sérieuse pour permettre que la demi-heure suivante se passa d'une manière aussi légère et aussi agréable. Puis il nous lut ce qu'il appelait les 12 lois fondamentales de la nature humaine. Il s'est donné tant de peine pour faire circuler ces 12 lois parmi toutes les nations de la terre qu'il est inutile d'en parler ici. Elles me paraissent 12 sophismes qu'un homme de bon sens ne s'avisera jamais de contredire. Mais comment un homme a-t-il pu concevoir que l'explication et la défense de ces lois pouvait occuper sa plume et sa voix pendant plusieurs années, et comment a-t-il rêvé qu'elles étaient mêlées à une réfutation de la religion chrétienne? C'est un mystère que je ne puis comprendre. Depuis ce moment, M. Owen se retrancha derrière ses 12 lois, et M. Campbell, avec une égale gravité, s'efforça de mettre au jour les autorités théologiques les mieux reconnues pour prouver la vérité de la religion révélée. Ni l'un ni l'autre ne me parurent se répondre, mais ils se renfermèrent tous les deux dans ce qu'ils avaient accumulé dans leur tête au moment où la discussion commença. J'en fus fâché pour M. Campbell, persuadé que j'étais qu'il aurait été bien plus persuasif s'il s'était confié plus à son esprit et moins à ses livres. M. Owen est un homme extraordinaire et possède certainement beaucoup de talent, mais il me semble si entouré du brouillard de ses théories qu'il ne put le percer pour jeter un regard sur le monde qui existait réellement autour de lui. Au moment de conclure les débats, qui avaient duré pendant 15 séances, M. Campbell pria à l'assemblée, qui se disposait à sortir, de se rasseoir. On lui obéit. Il demanda alors tous ceux qui croyaient au christianisme de se lever, et la majorité fut en un instant sur ses jambes. Il pria qu'on s'assît de nouveau, puis il désira que ceux qui ne croyaient pas à ses doctrines se levassent. Quelques messieurs et une seule dame obéirent. M. Owen protesta contre cette manœuvre, c'est ainsi qu'il nommait l'appel de M. Campbell, et refusa de croire qu'elle prouva en faveur des opinions de l'Assemblée, déclarant qu'on devait espérer un résultat semblable dans l'état présent des choses et qu'il était même du devoir de tout homme qui avait des enfants à élever de ne point hasarder la vente de ses bestiaux et de son fer par une déclaration d'opinion qui pourrait offenser la majorité de ses pratiques. On assure qu'à la clôture des débats, le montant numérique des chrétiens et des infidèles de Cincinnati resta positivement le même qu'il était auparavant. C'était un résultat auquel on aurait peut-être dû s'attendre, mais ce qui était moins probable, c'est que les deux antagonistes ne sortirent jamais de leur caractère. J'ai entendu dire qu'ils étaient souvent dans la société l'un de l'autre, dînant constamment ensemble et ne perdant pas une occasion de s'exprimer leur mutuelle estime. Il me semble que tout ceci n'aurait pas pu arriver dans tout autre pays qu'en Amérique, et je ne suis pas très sûr s'il serait à désirer que cela pût arriver autre part. En parlant des divers événements brillants qui eurent lieu pendant notre résidence dans la métropole de l'Ouest, j'ai oublié de faire mention du bal du jour de naissance. C'est ainsi qu'on appelle une fête qui se donne, je crois, le 22 février dans chaque ville des États-Unis. C'est l'anniversaire du jour de naissance du général Washington, et il mérite bien d'être pour les Américains un jour de joie. Je fus réellement surprise du coup d'œil que m'offrit la salle. Elle était vaste et remplie d'une société fort bien mise, au milieu de laquelle on distinguait de fort belles jeunes filles. Les hommes étaient aussi très élégants, mais je n'étais pas depuis assez longtemps dans l'ouest de l'Amérique pour n'être pas étonné de reconnaître, dans la plupart des petits maîtres qui passaient devant moi, les hommes que j'avais coutume de voir assis derrière les comptoirs ou appuyés à la porte des boutiques de la ville. Cependant, les plus belles et les plus élégantes souriaient et caquetaient avec eux, avec le même zèle et la même satisfaction que les belles de Londres pour l'héritier d'une pairie. D'où je conclus qu'ils étaient considérés à Philadelphie comme appartenant à la plus haute classe de la société. Il ne faut pas supposer néanmoins qu'il n'y ait en Amérique aucune distinction de rang. Au même bal, je cherchais vainement des yeux, parmi les charmantes jeunes filles qui l'embellissaient, une personne plus charmante encore, et dont la rare beauté m'avait frappé à l'examen de la pension dont j'ai parlé plus haut. Je ne pus la trouver, et demandai à un monsieur qui était près de moi pourquoi la belle Miss C n'était pas à cette réunion. Vous ne comprenez pas encore notre aristocratie, répondit-il. Miss C appartient à une famille d'ouvriers. Mais, lui dis-je, cette jeune personne a été élevée dans la même pension que celle que je vois, et je sais que son frère a dans la ville une boutique aussi grande et en apparence un commerce aussi prospère que tous ces messieurs qui nous entourent. Où est la différence ? C'est un ouvrier. Il aide à fabriquer les articles qu'il vend. Les autres sont des marchands. La danse était à peu près celle que nous voyons dans un bal à l'époque des courses dans une ville de province. Les Américains appellent leur danse cotillon au lieu de quadrille, et comme c'est l'orchestre qui nomme en anglais les figures, cela produit un effet très drôle sur des oreilles européennes. Les arrangements du souper furent fort singuliers, mais éminemment caractéristiques. Les messieurs avaient une table splendide tendue pour eux dans un des beaux appartements de l'hôtel, tandis que les pauvres dames mangeaient chacune sur une assiette qu'on avait placée dans leurs mains, tandis qu'elles se promenaient tristement au milieu de la salle de bal en l'absence des danseurs. Bientôt après, des domestiques apportèrent des confitures, des gâteaux et des crèmes. Alors toutes ces belles personnes s'assirent autour de la salle et chacune d'elles, faisant une table de ses genoux, commença à manger ses confitures, triste et fade repas. Tout cela produisait un effet extrêmement comique. Les vêtements de fête de ces danseuses et les décorations de la salle formaient un contraste frappant avec l'abandon où elles étaient réduites. Cet arrangement n'était dû ni à l'économie, ni au manque de place. Les messieurs étaient seuls, simplement parce que cela leur convenait mieux. Ce fut la réponse qu'on me fit lorsque la curiosité me porta à demander pourquoi les messieurs et les dames ne soupaient pas ensemble. Je suis obligé de parler fort souvent de ce trait caractéristique dans les mœurs américaines, non seulement parce qu'il revient fréquemment, mais parce que je le considère comme étant en partie la cause de ce manque général de bonne manière et de grâce si remarquable dans ce pays, chez les hommes comme chez les femmes. Une cour, chez une nation, est pour ainsi dire un miroir devant lequel les hautes classes font leur toilette, et qui réfléchit par elles aux classes inférieures. Elle polie, en quelque sorte, la majorité de la population. Lorsqu'il n'en existe pas dans un pays, on ne se fait pas aussi facilement une étude de bonne manière, et il semble inutile d'acquérir un égal degré d'élégance. Mais la différence est ici plus grande que cette cause seule ne pourrait le faire supposer. Les heures de récréation sont importantes pour tous les hommes, et partout nous voyons ces derniers en tirer le plus de parti possible. Ceux qui ne s'amusent qu'en société, soit par leur goût pour la conversation ou les plaisirs de la table, font de pauvres figures lorsqu'ils sont forcés de se contenter des douceurs de la solitude, tandis que d'un autre côté, ceux qui trouvent leur unique plaisir à être seuls font peu de frais pour le monde et y reçoivent peu d'hommages. Dans des pays où les plus grands amusements se trouvent au milieu des scènes où les sexes sont réunis, tous deux tâcheront d'y apparaître avec le plus d'avantage. Les hommes ne se permettent pas de chiquer du tabac, ni même de cracher, et les femmes essayent d'être capables de jouer un autre rôle que celui de faiseuse de thé. En Amérique, si l'on en accepte le bal, où la danse est presque réservée aux personnes non mariées, les hommes ne trouvent de plaisir qu'en l'absence du beau sexe. Ils dînent, ils jouent aux cartes, ils ont des concerts, des soupers fort nombreux, et toujours sans femme. Si cela n'était l'habitude, les Américains qui ont de la fortune pourraient trouver quelque expédient pour épargner à leurs femmes et à leurs filles les détails les plus bas du ménage, dont elles s'occupent dans toutes les familles. Dans les États même où l'esclavage existe, quoique les femmes n'emploient pas la moitié du jour à faire de l'emploi et à repasser, à boulanger des gâteaux, à prêter des puddings, et l'autre moitié à les faire cuire, les plus riches cependant s'occupent des détails de leur ménage, de manière à leur ôter la possibilité de s'instruire, d'acquérir des talents, enfin de devenir des femmes aimables. J'ai vu quelques exceptions à Baltimore, à Philadelphie et à New York, mais en parlant des États-Unis en général, ce que j'avance est de la plus grande exactitude. Si je n'avais pas été las de mon séjour prolongé dans un pays que je détestais cordialement, séjour qui, je commençais à le craindre, ne devait point être récompensé par les résultats que nous avions espérés, j'aurais trouvé une source d'amusement dans les notions et les opinions des personnes avec lesquelles je causais. Malgré ma tristesse, je ne pus souvent m'empêcher d'être fort diverti intérieurement. Nous recevions, comme je l'ai déjà dit, beaucoup de politesse. Mais je crois que l'intérêt qu'on nous témoignait ne pouvait détruire cette antipathie que chaque véritable Américain trouve au fond de son cœur pour les Anglais. Cette antipathie se montrait de mille petites manières, même au milieu de la conversation la plus amicale, mais souvent d'une façon plus comique qu'offensante. Quelquefois, on s'exprimait ainsi. « Je crois pour le coup que les membres de votre gouvernement font bien de se pendre pour avoir entrepris une guerre comme la dernière. Cette guerre nous a fait tant de bien qu'elle vous aura ruiné, je le suppose. » Ou bien « Je commence à comprendre un peu mieux votre baragouin d'anglais. » Mais il n'était pas surprenant que je ne le comprisse pas d'abord, puisque vous arriviez de Londres, et chacun sait que l'accent de Londres est le plus affreux du monde. Comme c'est singulier que tous les habitants de cette ville mettent un H lorsqu'il n'en faut pas, et l'oublient dans tous les mots où ils s'en trouvent. Je fus assez malicieuse pour demander à la dame qui me parlait ainsi si c'était mon habitude. « Non, » me répondit-elle, mais l'ajouta avec un sourire complaisant. « Il est aisé de voir toutes les peines que vous vous donnez pour cela. » Vous savez comme les Américains se moquent des Anglais pour cette faute, et vous essayez de prendre notre prononciation. » Une dame me demanda très sérieusement si nous avions quitté l'Angleterre pour nous délivrer de la vermine dont les plus riches étaient infectés. « J'ai entendu dire par des personnes dignes de foi, ajouta-t-elle, qu'on ne pouvait faire un pas dans les rues de Londres sans en avoir la tête remplie. » Je me mis à rire, mais je ne répondis pas un mot. Cette dame rougit et me dit aussitôt « Il est très facile de rire, mais la vérité est toujours vraie, qu'on s'en moque ou non. » Il faut que je commence l'anecdote suivante par avertir qu'en Amérique, presque toute la tribu des insectes est classée sous le nom général de punaise. Le malheureux cosmopolite connu parmi nous sous ce nom est presque le seul qui ne s'appelle pas ainsi dans les États-Unis. Une dame me demanda brusquement un jour si je ne haïssais pas les Shinseys. « Non, en vérité, lui répondis-je, je les trouve fort jolis. »« Oh, pour le coup, cela est bien anglais. Je suppose que vous appelez cela aimer votre patrie. » Pour nous, Dieu merci, il existe bien d'autres choses pour lesquelles nous pouvons aimer notre pays. Nous ne sommes pas obligés de dire que nous trouvons de sales Shins jolies quand nous voulons prouver que nous sommes de bonnes patriotes. Qu'appelez-vous donc Shins? Il est impossible que vous prétendiez ne pas savoir ce que c'est. Ne connaissez-vous pas ces vilaines petites bêtes qui sucent le sang et dont tous les lits de Londres sont pleins? J'ai été informé plus tard que le mot Shins signifie punaise en espagnol, mais en même temps le mot signifie aussi l'étoffe qui sert à faire un rideau. Parmi les exemples de cette espèce de modestie qu'on rencontre si souvent en Amérique et qui est inconnue chez nous, j'en citerai un dont j'ai souvent été témoin et qui, en même temps qu'il met au jour l'excessive délicatesse des femmes, donne aux messieurs l'occasion de se livrer à leur saillie. Par exemple, une jeune personne est occupée à coudre une chemise. Ce serait faire preuve de la plus grande dépravation que de prononcer ce mot. Un monsieur entre et bientôt s'établit entre eux le dialogue suivant. « Que faites-vous, Miss Clarisse ?»« Une robe pour la poupée de ma sœur, monsieur. »« Une robe ? Cela n'est pas possible. »« Croyez-vous que je ne m'aperçoive pas que ce n'est pas une robe ?»« Allons, Miss Clarisse, dites ce que c'est. »« C'est un tablier pour notre négresse, monsieur Smith. »« Voilà bien autre chose. »« Les deux côtés ne sont-ils pas joints ?» Vous feriez mieux de me dire ce que c'est. Eh bien, monsieur Smith, c'est une taie d'oreiller. De plus en plus fort. C'est une taie d'oreiller pour un géant. Devinerai-je, Miss Clarisse? Chut, monsieur Smith. Prenez garde à ce que vous direz ou je me trouverai offensé. Avant que la conversation soit parvenue à ce point, la demoiselle et le monsieur rient de toutes leurs forces. J'ai vu une fois une jeune personne serrée de si près par un bel esprit que pour prouver qu'elle ne faisait qu'un sac et rien qu'un sac, elle joignit ensemble les deux extrémités, et montrant son ouvrage en triomphe, elle s'écria « Eh bien, maintenant, dites-moi ce que c'est que cela. » Une de mes amies me dit un jour d'un ton fort affectueux, où il se mêlait beaucoup de confusion, « Comment supporterez-vous maintenant le séjour de l'Angleterre? Comment pourrez-vous élever vos enfants dans un pays où vous savez que vous ne serez pas plus considéré que la boue de vos souliers ?» Je demandai une explication. Vous savez que je ne voudrais pas vous offenser pour tout au monde, mais le fait est que nous autres Américains, nous en savons plus que vous ne pensez. Certainement, si j'étais en Angleterre, je ne voudrais voir que des lords. Je n'ai jamais vu ici que des personnes du premier rang, et si je voyageais, je voudrais que cela fût de même. Je ne veux pas dire que je n'irai pas vous voir, mais votre mari n'est pas un lord, et je sais très bien comment vous devez être traité dans votre pays. Je contredisais rarement des opinions de ce genre, parce que je trouvais moins de peine et beaucoup plus d'amusement à les laisser passer sans discussion. Si j'avais agi autrement, cela eût été inutile, car, parmi les conversations que j'eus en Amérique relativement à mon pays, je ne me rappelle pas un seul cas dans lequel il ne me fut pas prouvé que j'en savais bien moins sur son compte que ceux avec lesquels je causais. Au sujet de la gloire nationale, je fus cruellement tyrannisé, car étant une femme, ce qu'on disait devant moi ne pouvait tirer à conséquence. Une dame, connue par son patriotisme, montra une grande délicatesse à mon égard. On parlait de la Nouvelle-Orléans. Elle interrompit la conversation en disant « Je désirerais qu'on ne parlât pas de cette ville. » Puis, se tournant vers moi, elle ajoute avec douceur « Il doit être si pénible pour vous d'entendre parler de la Nouvelle-Orléans. » L'immense supériorité de la marine américaine sur la marine anglaise était un sujet continuel de conversation, et dans cette occasion, j'écoutais toujours autant que possible en silence. J'ai entendu dire bien souvent, et partant de différentes personnes, que je finis par croire que c'est un peu vrai que les matelots américains font feu avec la certitude de tuer ceux qu'ils visent, tandis que les nôtres tirent au hasard. Cela est dû, disait un officier célèbre, à la libéralité de nos lois sur la chasse. Vos matelots ne cessaient jamais à viser un but, tandis que nos paysans, libres par leur habitude à poursuivre le gibier, pourraient fendre un lièvre en deux. Mais le sarcasme favori et universel qui m'assaillait partout était l'attachement des Anglais pour les choses surannées. s'il y avait eu quelque gaieté dans la société, j'aurais été sûr d'entendre « ma grand-mère la Bretagne », car c'est le ton que les Américains prennent avec nous, et c'est ainsi qu'ils se réconcilient avec la rudesse des nouveautés qui les entourent. Je m'étonne que vous n'ayez pas par-dessus la tête de vos rois, de vos chanceliers, de vos archevêques, et de toute la défroque de perruques et de robes, me dit un jour un monsieur fort aimable avec un bâillement. Je déclare que leur titre seul me donne envie de dormir. Il est plaisant d'observer jusqu'à quel point ils pensent être plus avancés dans la civilisation que l'Angleterre. Notre littérature classique, les premières dignités de l'État et nos nobles institutions, tout cela peut aller avec les souvenirs des siècles d'ignorance. Ces idées et l'admiration que leur causait l'immensité de leur pays de désert les consolent ordinairement des petits désappointements qu'ils éprouvent de temps en temps en s'apercevant que leur immense territoire n'a pas autant d'importance parmi les autres nations que le vieux petit coin de terre dont ils se moquent. J'étais un soir dans une société de dames, parmi lesquelles étaient deux jeunes filles dont la curiosité était plus grande que leur patriotisme et qui m'adressaient beaucoup de questions sur la magnificence et l'étendue de Londres. J'essayais de les satisfaire par la meilleure description possible lorsque je fus interrompu par une autre dame qui s'écria « Laissez-nous donc tranquille, mesdemoiselles, avec votre Londres. Si vous désirez savoir ce que c'est qu'une belle ville, allez à Philadelphie. Lorsque Mrs. Trollope connaîtra cette ville, elle conviendra, je l'espère, qu'elle est plus digne d'être décrite que cet amas de rues étroites, sales et puantes qu'on appelle Londres. » Une fois dans l'état d'Ohio et une autre fois dans celui de Columbia, j'avais devant moi un atlas afin de me convaincre par mes propres yeux de la petitesse du pays où j'étais né. Je n'oublierai jamais la gravité avec laquelle, dans une de ces occasions, un monsieur prit son compas et me prouva, sans aucune contradiction de ma part, que toute la Grande-Bretagne n'égalait pas en grandeur l'un des États les moins importants de l'Amérique. Puis, après cette démonstration, il plaça ses pieds sur la cheminée, qui était certainement beaucoup plus haute que sa tête, et se mit à siffler l'air de Yankee Doodle. Il n'oublie pas non plus de prôner à chaque instant leurs glorieuses institutions, leur liberté sans égale. Je me donnais beaucoup de peine à découvrir ce qu'ils appelaient leurs glorieuses institutions, et c'est sans affectation que je proteste n'avoir jamais pu comprendre la signification de cette phrase, qui est cependant sur les lèvres de tous les Américains lorsqu'ils parlent de leur pays. Je demandais si, par institution, ils entendaient leurs hôpitaux et leurs hospices des pénitents. Oh non! Nous parlons des glorieuses institutions que nous devons à notre révolution. Est-ce votre institution du mariage dont vous avez fait une cérémonie purement civile et nullement religieuse, puisqu'elle peut être accomplie par un juge de paix au lieu d'un ecclésiastique? Mais non, nous parlons de nos belles institutions politiques. J'étais toujours dans les ténèbres, et je ne puis encore aujourd'hui deviner ce qu'ils veulent dire, à moins qu'ils n'appellent les élections continuelles, sans pause, sans intervalle, qui sont l'occupation de tous les jours, de toutes les heures de leur vie, une glorieuse institution. Je comprends mieux, il me semble, leur liberté sans égale. Leur code de loi est basé sur le nôtre. Il n'y a qu'une différence, c'est qu'en Angleterre, les lois sont exécutées et qu'en Amérique, elles ne le sont pas. Je ne parle pas de la police des villes des États-Unis, je crois qu'elle est convenablement faite. Celle de New York est célèbre, mais hors de son influence, le mépris des lois est poussé trop loin pour que je puisse en parler avec l'espérance d'être cru. Des délits de toutes sortes, des disputes, des vols, même des assassinats, sont souvent commis sans que les lois s'en mêlent le moins du monde. Pendant l'été que nous passâmes d'une manière délicieuse dans le Maryland, nos courses étaient souvent limitées par les avis charitables que nous donnaient nos amis qui connaissaient les habitudes et la morale du pays. Lorsque nous demandions la cause de ces avertissements, on nous répondait « Il y a un cabaret sur la route, et il ne serait pas prudent de passer devant. » Le canal de Chesapeake et de l'Ohio passait à quelques milles de la résidence de Mrs. Smith. Il arriva deux fois, pendant notre visite chez cette dame, qu'on trouva des cadavres à moitié enterrés près de sa propriété. Ces événements causaient une surprise qui durait à peu près une demi-heure. Puis, lorsque je demandais des renseignements à ceux qui avaient raconté l'histoire, on me répondait « Oh, je pense que cet homme a été assassiné, ou peut-être il est mort des fièvres causées par les émanations du canal. » Cependant, on a trouvé sur le cadavre des marques qui annoncent qu'il a été étouffé. On ne formait point d'enquête, et cet événement ne causait pas plus de sensation que si un mouton avait été trouvé égorgé près de la maison. L'abondance des vivres et la rareté des exécutions m'étaient aussi souvent données comme preuve de la supériorité de l'Amérique sur l'Angleterre. Ce sont deux excellentes choses, mais je n'admets point la comparaison. Un territoire vaste et fertile, et jusqu'ici couvert de rares habitants, peut aisément fournir une nourriture abondante pour sa population. Et lorsqu'un habile coquin est trop bien connu dans sa ville ou dans son village, et qu'il est certain qu'en avançant de quelques milles vers l'ouest, il trouvera une quantité suffisante de bœuf et de whisky, sans craindre que les lois viennent l'y poursuivre, il n'est pas étonnant que les exécutions soient rares. Une fois, pendant notre séjour à Cincinnati, un assassin d'une cruauté peu commune fut pris, jugé et condamné à mort. Il fut prouvé pendant son procès que quelques années auparavant, il avait assassiné sa femme et son enfant à la Nouvelle-Orléans, meurtre auquel on avait fait peu d'attention. Le crime qui venait de le mettre entre les mains de la justice était l'assassinat de sa seconde femme, et le témoin qui avait déposé contre lui était son propre fils. Le jour de son exécution fut fixé, et la sensation que produisait l'attente d'un événement si étrange était si grande, aucun blanc n'ayant encore été pendu à Cincinnati, qu'on vint de 60 000 à la ronde pour y assister. Pendant ce temps, quelques braves personnes commencèrent à élever des doutes sur la justice de l'arrêt et adressèrent une supplique au gouverneur de l'Ohio pour qu'il commuât la peine de mort en celle d'emprisonnement. Le gouverneur refusa pendant longtemps d'annuler la sentence que les juges avaient prononcée, mais enfin, effrayé par la position inusitée dans laquelle il se trouvait, il céda aux importunités du parti presbytérien qu'il avait assailli et envoya au shérif non pas la grâce du prisonnier, mais l'ordre de lui demander s'il désirait être gracié et être envoyé au pénitentiaire au lieu d'être pendu. Le shérif se rendit près du prisonnier pour lui faire cette proposition. Le criminel lui répondit « Si quelque chose pouvait m'y faire consentir, ce serait l'espérance de vivre assez longtemps pour vous tuer ainsi que mon coquin de fils. Cependant, je ne consens pas à ce que vous me proposez et vous serez obligé de me pendre. » Le digne shérif, auquel le dégoûtant office de bourreau était dévolu, fit tous ses efforts pour persuader au prisonnier de signer le papier qui contenait sa grâce, mais ce fut en vain, il n'obtint que des sottises en récompense de ses supplications. Le jour de l'exécution arriva. Le lieu convenu était le penchant d'une colline, la seule près de la ville dont on a coupé les arbres. Bien des heures avant celle qui avait été fixée, nous la vîmes entièrement couverte par une immense multitude d'hommes, de femmes et d'enfants. Enfin, l'heure fatale arriva. On vit la charrette lugubre monter doucement la montagne, et la foule bruyante parut frappée de stupeur. Le criminel monta sur l'échafaud, et le shérif lui demanda de nouveau s'il voulait signer la commutation. Mais il arracha le papier et le jeta loin de lui, en s'écriant d'une voix terrible « Pendez-moi !» C'était à midi qu'on devait couper la corde. Le shérif était debout près de l'échafaud, sa montre d'une main et le couteau de l'autre. Il levait la main pour couper la corde, lorsque le criminel s'écria d'une voix de stentor « Je vais signer !» Et il fut reconduit en prison au milieu des cris et des éclats de rire de la populace. Je ne suis nullement amateur de la pendaison, mais il y avait quelque chose dans tout cela qui ne ressemblait pas à la dignité décente de la justice.